meilleure amie. C'est ça la vie. Me dit hier soir qu'elle est venue me voir pour me dire qu'elle est mon fin. Elle m'a dit le nom de sa grande passion. Elle me parlait et je l'écoutais. Elle disait qu'il lui plaisait beaucoup, qu'il s'aimait tous deux comme des fous. Elle m'a dit le nom de sa grande passion. Moi j'avais les larmes aux yeux quand elle parlait. Elle est partie en me disant adieu. Et j'entends encore les mots qu'elle me disait. Mais je ne peux faire pour elle que pleurer. Car l'autre jour, ce monsieur-là, j'étais entre ses bras, il me jurait que j'étais son seul amour. Je savais le nom de sa grande passion. Moi j'avais les larmes aux yeux quand elle parlait. Elle est partie en me disant adieu. Et j'entends encore les mots qu'elle me disait. Mais je ne peux faire pour elle que pleurer. Car l'autre jour, entre ses bras, il m'a juré 100 fois ce monsieur-là que j'étais son seul amour. Je savais le nom de sa grande passion. Et c'était le même qui disait je t'aime. Et c'était le même qui disait je t'aime. Et c'était le même.